إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Donc comme cela a été annoncé, mes frères, on va parler dans cette assise, incha'Allah ta'ala, d'un sujet très important pour tout musulman et toute musulmane. Et ce sujet n'est autre que la croyance des salafs, les pieux prédécesseurs. Et cette croyance, c'est la base nécessaire et essentielle à tout musulman et sur laquelle repose la validité de l'ensemble de ses œuvres. Les œuvres de la personne, si elles ne sont pas basées sur une croyance saine, une croyance authentique, alors il y a de grandes possibilités que ses œuvres, elles soient rejetées et qu'il ne fasse en œuvrant que fatiguer sa personne et que ses œuvres ne soient que telles de la poussière éparpillée. Peu importe le temps qu'il aura passé à œuvrer dans sa vie, peu importe le nombre d'œuvres qu'il aura accomplies, si sa croyance est contraire à la croyance du Coran et de la Sunna, alors il risque de perdre les récompenses de l'ensemble de ses œuvres. La croyance, donc, c'est la base de la religion. C'est l'appel et le prêche des prophètes, alayhim salatu wa salam, du premier jusqu'au dernier, de Nuh, alayhi salam, jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa salam. Et c'est au sujet de cette croyance que le serviteur sera interrogé au jour de la résurrection. Comme il est venu dans un récit, les premiers et les derniers seront interrogés au sujet de deux paroles, c'est-à-dire les premières générations et les dernières générations, depuis le début de l'humanité. Ils seront interrogés au sujet de deux choses. Qu'adoriez-vous et qu'avez-vous répondu au messager? Donc ça, c'est la base de la croyance. La réponse, elle se trouve dans quoi? Qu'adoriez-vous? Elle se retrouve dans la première attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième réponse, elle se trouve dans quoi? Dans la deuxième attestation. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces deux bases, ce sont en réalité l'ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les conditions de l'acceptation des œuvres de l'ensemble des serviteurs. Celui qui œuvre, mais qui n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui voue ses œuvres à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses œuvres, elles seront rejetées. De la même manière, celui qui œuvre, qui est sincère, qui veut le bien, qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ses œuvres, elles ne sont pas conformes à la sunna. Elles ne sont pas conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors il verra également ses œuvres rejetées. Donc la croyance authentique, c'est celle avec laquelle est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle à laquelle il a appelé les gens, et c'est celle qu'il a clarifiée, comme lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Anna l'umma sataftariqu min ba'dihi ala 73 firqa. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que la communauté, elle allait se diviser après lui en 73 groupes. « Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, kulluha fin nar illa wahida. » Elles seront toutes en enfer, à l'exception d'un seul groupe. C'est-à-dire, elles sont toutes sous la menace du feu de l'enfer, à l'exception d'un seul groupe. Les compagnons, ils ont donc interrogé à son sujet, au sujet de ce groupe. Ils ont dit, « Man hiya ya Rasulallah, quel est ce groupe, ô messager d'Allah ?» فَقَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ وَأَصْحَابِي. Ce sont ceux qui sont sur la même chose sur quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous a montré que celui qui n'est pas sur ce quoi il était lui, ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il est quoi? Il est sous la menace du feu de l'enfer. Cela nous montre donc l'importance d'apprendre cette croyance authentique, d'apprendre cette voie à laquelle a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont la croyance est conforme à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il sera sauvé, incha'Allah ta'ala, du châtiment d'Allah et il entrera au paradis. C'est pour cela que le groupe qui suit ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'accroche à cette croyance, qui s'accroche à cette voie, il a été appelé comment ? Al-firqatun najiya. Le groupe sauvé. Le groupe sauvé de quoi ? Le groupe sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela la cause de la nomination de ce groupe par Al-firqatun najiya, le groupe sauvé. C'est-à-dire entre les 73 groupes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné dans le hadith, c'est celui qui sera sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à tous les autres groupes qui ne suivent pas ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui s'opposent à ce sur quoi il était et à ce sur quoi étaient ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, alors ils sont sous la menace du feu de l'enfer. Et ce groupe sauvé, ce sont les gens de la sunna. Les gens de la sunna et du groupe, et ce à tout endroit et à toute époque. À commencer par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et ce, jusqu'à la fin de l'humanité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a annoncé que ce groupe perdurerait jusqu'à l'approche de l'heure. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, rapporté par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala, « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq. » Il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant sur la vérité. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous annonce que ce groupe qui est sur la vérité et qui sera sauvé du feu, il va perdurer jusqu'à la venue de l'heure. Ensuite, il a dit « La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. » Ceux qui les abandonnent ou ceux qui les trahissent, ils ne leur nuisent point, ni ceux qui s'opposent à eux, et ce, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à la venue de l'heure, à l'approche du jugement dernier. Ce groupe, il va persister, et ceci est une bonne annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, le croyant, il doit savoir que ce groupe, il est possible qu'il soit nombreux à certaines époques et peu nombreux à d'autres époques, qu'il soit nombreux en certains lieux et peu en d'autres lieux. Et l'essentiel pour le musulman, c'est de chercher quel est ce groupe et d'apprendre quelles sont les caractéristiques de ce groupe afin de s'accrocher fermement à la croyance avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, les groupes, ils sont très nombreux, surtout à notre époque. On voit la multiplication des groupes, la multiplication des confréries, la multiplication des sectes, toutes affiliées à l'islam ou même à autre que l'islam. Mais notre discours ici, il est porté sur les gens qui s'affilient à l'islam. Les groupes, ils sont nombreux. Mais le musulman, il doit savoir que la vérité, elle n'est qu'une. Quoi qu'il en soit, la vérité, elle n'est pas divisible. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est ce sur quoi était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, au verset 153 de sourate Al-An'am, « Wa anna hadha sirati mustaqiman, fattabi'u » وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et voilà mon chemin droit. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, c'est-à-dire de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle avec laquelle il a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voie sur laquelle l'ont suivi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que ceux qui ont vécu lors des siècles privilégiés. Les trois siècles, ou plutôt les trois générations, desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des éloges lorsqu'il a dit « Khayrun nasu qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum ». Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, c'est-à-dire ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Puis ceux qui les suivent, ceux qui ont pris cette science et cette religion, des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, puis ceux qui les suivent encore, ce sont les trois générations que l'on appelle les trois générations privilégiées. Donc ceux-là, ils ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et il y a toujours dans cette communauté des gens qui suivent leurs traces, et ce, jusqu'à la venue de l'heure. En toute époque et en tout endroit, ce groupe persistera et il restera triomphant sur la vérité, bi'idhnillahi ta'ala. Et cette voie-là, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mentionné dans ce verset. Voici ma voie droite, suivez-la donc. Et quiconque s'oppose, transgresse à cette voie, sort de cette voie, alors il a cette divergée et il a suivi les sentiers contre lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteront de sa voie. Celui qui suit les sentiers, qui emprunte autre que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'écarter de cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a clarifié cela dans un hadith de manière très claire. Un jour, alors qu'il était avec ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, il a tracé un trait droit. Il a tracé un trait droit sur le sol. Et il a tracé autour de ces traits droits des autres traits obliques. Il a tracé un trait droit et des autres traits sur les côtés. Ensuite, il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, en montrant le trait qui était droit, « Hada siratullah ». Ceci est la voie d'Allah. Et au sujet des traits qu'il a fait sur les côtés, il a dit, et ceci sont les sentiers. Hadith subul. Wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi. Et à chaque sentier, il y a un diable qui y appelle. C'est-à-dire que lorsque toi tu chemines sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faire face à ces sentiers. Tu vas faire face à ces shayatin qui essayent de te détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'emmener où? Vers les sentiers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans le verset. Ne suivez pas les sentiers qui vous écarteront de sa voie. Celui qui sort et qui emprunte un de ces sentiers, il sort de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus il va s'éloigner dans ce sentier, plus il va être loin de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est un exposé très clair de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam en explication de ce verset. Donc ceux qui suivent cette croyance authentique qu'a exposé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui seront sauvés, incha'Allah ta'ala, de l'égarement, mais également qui seront sauvés du châtiment de feu de l'enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Et ces gens-là, ce sont les gens de la sunna et du groupe. Al-sunnati wal-jama'a. Il se peut qu'ils soient très peu nombreux à certaines époques. Il se peut qu'ils soient beaucoup plus nombreux à d'autres moments ou en d'autres lieux. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils sont qu'un petit nombre, il y a toujours en eux le bien et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils suivent la vérité. Ils sont accrochés à la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est sur la vérité, il ne se soucie pas de savoir combien il y a de personnes avec lui. Même s'ils sont deux ou trois, du moment qu'il sait qu'il est sur la vérité, qu'il fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour lui, il ne se soucie pas de savoir que le monde entier diverge de lui. Mais il s'accroche à cette vérité qu'il trouve dans le Coran, la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et que les savants de la sunna continuent d'exposer jusqu'à nos jours. Il ne craint donc pas le grand nombre de ses opposants. Peu importe combien elles sont, même s'il vit dans un environnement hostile à l'islam ou hostile aux gens de la sunna, il reste accroché à cette vérité qu'il a connue à travers les textes de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 69 de sourate An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quiconque obéit à Allah et au messager. Ceux-là, ceux qui obéissent à Allah et au messager, ils seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits. Et qui sont-ils? On demande à chacune de nos prières. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Qui sont-ils? Dans ce verset de surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe à leur sujet. Il dit... Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ceux-là sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs. Donc celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, il sera en leur compagnie dans l'au-delà. Il sera en compagnie des prophètes, en compagnie des véridiques et des martyrs, ainsi que des vertueux. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa hasuna ulaika rafiqa ». Et quels bons compagnons que sont ceux-là. Qu'y a-t-il de meilleurs compagnons que les prophètes, alayhimu salatu wassalam, les véridiques, les martyrs et les vertueux? Donc celui qui garde cela en tête, qui suit la vérité, qui s'accroche à la religion de vérité, et qui sait que bi-idhnillah, dans l'au-delà, s'il est sincère et qu'il est ferme et qu'il reste ainsi, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il sera en compagnie de ceux-là, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits. Il ne se soucie pas du nombre de ses opposants. Il ne se soucie pas du petit nombre de personnes qui sont accrochées à la vérité. Mais il continue, il avance sur ce chemin, recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ceci va demander quoi au serviteur? Ceci va nécessiter de lui qu'il fasse des efforts afin d'avoir la clairvoyance au sujet de la vérité, afin qu'il recherche la science, qu'il recherche la voie de ces gens-là. Quelle est la voie des prophètes, alayhimu salatu wassalam? Quelle est la voie des véridiques? Quelle est la voie des martyrs? Quelle est la voie des vertueux? Il va devoir faire des efforts afin de trouver cette voie. Et pour cela, il va devoir rechercher la science. La science authentique auprès de ses porteurs. Et donc, une fois qu'il aura trouvé cette voie, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra patienter, être endurant. Car il devra savoir qu'il va trouver sur cette voie beaucoup d'embûches et beaucoup de préjudices. Car les opposants, des gens de la vérité, ils seront toujours plus nombreux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah. Ils vont t'égarer de la voie droite, du chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour ses serviteurs. Donc celui qui emprunte cette voie, il doit s'armer de patience, il doit s'armer d'endurance et il doit se préparer à faire face à ses préjudices. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils empruntent la voie de la droiture, ils pensent que tout va être facile. Ils ne veulent pas être éprouvés. Ils recherchent toujours la moindre facilité qu'ils peuvent emprunter, ils la saisissent, même s'ils doivent pour cela transgresser à certains ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ou certains ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il fait cela, il n'a pas été patient. Il n'a pas fait preuve d'endurance. Au contraire, il s'est affaibli et il doit alors faire des efforts pour se ressaisir et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur ce sentier qui est la voie d'Allah et la religion de vérité. Donc celui qui emprunte ce chemin, il va subir certaines nuisances. Peut-être que les gens le blâmeront. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu laisses cette grande barbe? Pourquoi tu portes cette tenue? Pourquoi tu vas tout le temps à la mosquée? Pourquoi tu délaisses ce travail qui a un bon salaire alors que toi tu l'as délaissé peut-être? Parce qu'il y a des choses interdites, du riba ou autre chose. Tu vas être blâmé par les gens de ton entourage, parmi tes proches, tes amis ou autres, mais tu dois rester ferme sur ce chemin. Et tu dois te rappeler que ce que tu subis sur ce chemin, ce n'est rien comparé à ce qu'ont subi les prophètes, alayhimu salatu wassalam, ainsi que leurs compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et ceux qui sont venus après eux, parmi les imams. Et on a comme exemple de cela, l'exemple de l'imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala. Qu'est-ce qu'il a subi comme préjudice et comme nuisance? Il a été enfermé, fouetté, interdit d'enseigner, interdit de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il restait ferme sur cette religion et sur cette croyance authentique. Al-Qur'an, kalamullah, ghayru makhluq. Le Qur'an est la parole d'Allah et il n'est pas créé. C'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à la parole. Et ce Qur'an, il l'a réellement prononcé. Ses mots et ses sens proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette simple parole, il a été torturé et mis en prison durant des années. Mais il a patienté. Rahimahullahu ta'ala. Aujourd'hui, à notre époque, on prononce cette parole sans la moindre difficulté. Lorsque tu dis cette parole, il n'y a personne qui va te causer préjudice. Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah. Tu peux le dire sans moindre difficulté. Il n'a pas été créé. L'imam Ahmed, rahimahullah, pour cette simple parole, il a été torturé. Il a été mis en prison. Fouetté au point que les gens qui le soignaient pouvaient rentrer leurs mains dans ses blessures. Mais il est resté ferme et il a patienté, rahimahullah, jusqu'à ce que nous parvienne, à notre époque, cette croyance authentique et saine à laquelle nous devons nous accrocher. Donc la croyance des gens de la sunna, elle est basée sur six choses essentielles qui sont les six piliers de la foi. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal iman bil qadari khayrihi wa sharri. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc ces fondements, il y a de nombreuses personnes qui s'y sont opposées. Et de nombreuses personnes qui ont dévié de la voie droite à ce sujet parmi les 72 groupes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith. Mais les gens de la vérité, les gens de la sunna et du groupe, ils sont fermes et ils persévèrent jusqu'à notre époque sur cette croyance saine et authentique malgré tout ce qu'ils ont subi à travers les siècles comme épreuve et comme pression. Ils restent fermes sur cette vérité et ils ne recherchent rien d'autre que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa pureté. Donc le premier pilier, on a dit, C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. الإيمان بالله وهو الاعتقاد الجازم بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. Donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la foi ferme, la conviction certaine de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans trois choses: dans la seigneurie, dans la divinisation, ainsi que dans ses noms et ses attributs. Et ces trois choses sont quoi? Ce sont les trois sortes de tawhid. La première sorte de tawhid, donc, c'est le tawhid al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. Cette forme de tawhid, elle est acceptée par la saine nature des hommes. De manière générale, l'ensemble des hommes, qu'ils soient croyants ou mécréants, reconnaissent cette forme d'unicité. Même Iblis, qui est la tête de la mécréance, reconnaît la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam? Rabbi bima aghwaytani. Mon Seigneur. Il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Rabbi, mon Seigneur. C'est-à-dire que même Iblis, qui est la tête de la mécréance, il a reconnu et accepté la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est de même pour l'ensemble des mécréants de manière générale, comme Abu Jahl, Abu Lahab, les têtes de la mécréance à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que d'autres à toute époque, ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur? Cela veut dire qu'il est le créateur de toutes choses, le possesseur de toutes choses, est celui qui dirige toutes choses dans cet univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, au verset 87 de Surat al-Zukhruf, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَكُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui les a créés, c'est-à-dire aux polythéistes, ils te diront Allah. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur créateur. Et il dit subhanahu wa ta'ala, au verset 88 et 89 de Surat al-Mu'minun, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ اللَّهِ. Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous le savez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit de dire ces paroles au polythéiste. Qui détient dans sa main la royauté absolue, la royauté de toutes choses? Qui est celui qui protège les gens et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous le savez, ils diront Allah. Donc les polythéistes, ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Et ils reconnaissaient également qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le possesseur de toutes choses. Il dit également subhanahu wa ta'ala au verset 31 de Surat Yunus, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاهِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Donc telle était la situation des polythéistes vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Il reconnaissait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, le possesseur de toutes choses, celui qui accorde la subsistance à toutes les créatures et qui administre tout dans cet univers. Malgré cela, il donnait des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration lors de leur moment d'aisance. Mais lorsqu'il se retrouvait en difficulté, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tournait uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette chose qu'il reconnaissait, cette seigneurie qu'il reconnaissait, elle les a amenés à savoir que leur divinité, en réalité, elle ne pouvait rien pour eux lors des difficultés. Donc dès qu'ils étaient dans une difficulté, ils vouaient leur adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquaient en lui vouant sincèrement le culte. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Isra, au verset 67, « وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَّا الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Et quand le mal vous touche en mer, lorsqu'ils étaient en bateau, qu'il y a une tempête, qu'ils ont peur de la mort. Ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent. Ils savent qu'ils ne peuvent rien pour eux. Les statues, les arbres, les pierres et autres, qu'ils adoraient en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils avaient la ferme conviction qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient rien faire. Donc, ils invoquaient sincèrement Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. Ils retournent au polythéisme. Dès qu'ils sont dans l'aisance, ils oublient Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils retournent à l'adoration d'autres que lui. L'homme reste vraiment très ingrat. Donc ceci est le verset 67 de Sourate al-Isra. Telle était la situation des polythéistes. Dès qu'ils avaient une difficulté, ils se tournaient vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Car ils savaient que leur divinité ne pouvait rien pour eux à ces moments-là. Et ils invoquaient sincèrement Allah, subhanahu wa ta'ala. Une fois sauvés, ils oubliaient Allah, subhanahu wa ta'ala, se détournaient de lui et retournaient dans le polythéisme. Et à l'exemple de cela, nombre de personnes qu'on voit à notre époque, qui lorsqu'ils ont une difficulté, tu les vois d'un coup à la mosquée, tu les vois d'un coup invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, se rapprocher des gens de bien, et une fois cette difficulté dissipée, ils retournent dans quoi ? Ils retournent dans ses passions, dans les péchés et autres. Il ne revient à Allah, subhanahu wa ta'ala, que dans les moments de quoi ? Dans les moments de difficulté. Et il a ainsi une similitude avec ces polythéistes du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne revenaient à Allah, subhanahu wa ta'ala, que dans la difficulté. Donc ceci, comme on a dit, l'unicité dans la seigneurie, elle était reconnue par les premiers polythéistes. Et donc, le fait de reconnaître cela, ce n'est pas une cause d'entrer en islam. Il ne suffit pas de reconnaître qu'Allah est le créateur de toutes choses, le possesseur de toutes choses, celui qui dirige tout dans cet univers, pour être musulman et entrer en islam. Mais il est indispensable d'ajouter autre chose à cela, qui est la deuxième sorte de tawhid, dont on va parler dans un instant, incha'Allah ta'ala. Donc ceux qui reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses, mais qui en parallèle de cela, ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquent des tombes, ils invoquent les morts, ils se rendent chez les sorciers, ils vouent leurs adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela en réalité ne sont pas musulmans, car ils n'ont pas reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est pour cela que c'est une erreur, comme le font nombre d'écrivains à notre époque, et que nombre de personnes parmi les gens du commun pensent que le sens de la ilaha illallah, cela veut dire quoi ? La khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur autre qu'Allah. Ou il n'y a pas de seigneur autre qu'Allah. Alors que le vrai sens de la ilaha illallah, comme on va le voir, c'est il n'y a personne en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième sorte de tawhid, c'est le tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans la divinisation. Et c'est le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Et ce tawhid, c'est la cause de divergence entre les prophètes alayhim salatu wassalam et leur communauté. Tous les prophètes, ils ont divergé avec leur communauté au sujet de cette forme de tawhid. Ils ne sont pas venus les appeler en leur disant « Reconnaissez qu'Allah vous a créés. » Ils savaient qu'Allah les avait créés. « Reconnaissez qu'Allah vous donne votre subsistance. » Ils savaient cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cela dans le Coran, c'est simplement pour leur rappeler les choses qu'ils reconnaissent, les évidences qu'ils admettent tous. Car ils admettaient tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne leur subsistance. Mais la divergence, elle est venue où ? Elle est venue lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit « U'budullah ma lakum min ilahin ghayru » Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. C'est sur cela qu'ils ont divergé. Ils n'ont pas divergé sur autre chose. C'est pour cela, comme on l'a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mentionne le tawhid dans la seigneurie que comme argument pour faire accepter aux polythéistes l'unicité dans l'adoration. Car l'unicité dans l'adoration, c'est cela la cause d'entrer en islam pour la personne, lorsqu'elle va vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette unicité, c'est celle à laquelle ont appelé l'ensemble des messagers, alayhi salatu wa salam. Et c'est celle-là qu'ils ont demandé à leur peuple, et c'est celle-là qui a été la source de conflits entre les prophètes de Nuh, alayhi salam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et leur peuple. dès qu'ils l'ont redemandé de délaisser les divinités, alors ils sont entrés en conflit avec leur peuple, et ce conflit il persiste jusqu'à nos jours. Sur quoi divergent les gens de la Sunna, les gens de la Sunna et du groupe, les gens de la vérité, avec nombre de groupes parmi ceux qui s'affilient à l'islam? Sur le tawhid, au point que certains groupes en sont venus à dire « Ne parlez pas de tawhid, cela divise entre les gens. » Naam, cela divise entre les gens, mais cela divise entre qui? Entre les gens du faux et les gens de la vérité. C'est par ce tawhid que tu vas savoir qui suit la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui se détourne de cette voie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracée à travers l'envoi de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce tawhid, c'est celui qui apparaît clairement et c'est le sens de l'attestation de foi lorsque tu dis « Ash'hadu an la ilaha illallah » j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Les dieux et les divinités sont nombreux. Il y a de nombreuses choses qui sont prises en tant que dieu, en tant que divinité, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit parmi les êtres humains ou les objets, les choses inertes, comme les pierres, les arbres, les morts, les tombeaux et autres, qui sont adorés à travers le monde, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toutes ces divinités, ce sont de fausses divinités. Et le seul endroit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah. C'est lui seul qui mérite l'adoration en dehors de tout autre que lui. Et c'est donc cela le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, ce n'est pas le sens, comme le disent certains parmi les groupes des gens de l'innovation et autres, qui disent il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Certes, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas cela qui est voulu lorsqu'on te demande d'attester que la ilaha illallah. Ceci est donc la deuxième sorte de tawhid, tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans la divinisation, appelée aussi tawhid al-ibada, l'unicité dans l'adoration, qui est le sens même de la ilaha illallah. La troisième sorte de tawhid, c'est tawhid al-asma'i wa-sifat, l'unicité dans les noms et les attributs. Et l'unicité dans les noms et les attributs, c'est le fait que tu affirmes pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a lui-même affirmé pour sa propre personne et ce que son messager a affirmé à son sujet comme nom et attribut. Et également, c'est que tu rejettes et que tu renies ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté et renié à son sujet et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a également rejeté et renié comme manquement et défaut. Et ce, sans aucune altération, sans aucun rejet, sans aucune recherche du comment, sans aucune assimilation à ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Et ce, d'après la parole d'Allah, « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir » qui est le verset 11 de Sourate Ash-Shura. Rien ne lui ressemble. Il n'a pas de semblable. Et il est as-sami'ul basir, celui qui entend tout et celui qui voit tout. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a bien fait le rejet et l'affirmation. Il a rejeté et il a renié le fait qu'une chose parmi ses créatures soit semblable à lui. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir. Il est celui qui entend tout et qui voit tout. Et il a affirmé ses deux attributs qui sont l'ouïe et la vue. Donc on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs, mais que ses attributs ne sont pas semblables aux attributs de ses créatures. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 74 de surat An-Nahl: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait alors que vous ne savez pas. Et si tu médites sur le Coran, sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras que dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ses noms et de ses attributs. Souvent, à la fin des versets, il mentionne certains de ses noms. Et même, dès le début du Coran, au début de chaque sourate, qu'est-ce que tu trouves? Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il mentionne trois de ses noms. Allah, lafzul jalala, qui est le plus grand de ses noms. Également, tu affirmes en disant cela qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et ce que cela implique comme attribut de pardon et de miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit sa personne par certains attributs. Et il s'est donné certains noms. Il est donc obligatoire pour nous d'affirmer ces noms et ces attributs comme ils sont venus dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne doit pas s'en remettre pour comprendre ces noms et ces attributs à nos raisons, notre imagination ou nos compréhensions. Mais on doit revenir simplement à ce qui est mentionné dans le livre et dans la sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus savant au sujet de sa personne. Et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus savant des hommes au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'en remet simplement à ce qui est dans le livre et dans la sunna, et on n'ouvre pas la porte à nos compréhensions, à nos raisons et à notre imagination au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au verset 110 de surat Taha, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses, alors qu'eux ne le cernent pas de leur science. Il est impossible pour une créature de cerner Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les seules choses que nous pouvons faire, c'est apprendre ce qu'il a comme noms et attributs qui ont été mentionnés dans son livre, subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit, comme on l'a vu dans le verset, de lui attribuer des semblables, et également de lui donner des égaux. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'a pas d'associé et il n'a pas d'égal, subhanahu wa ta'ala. Et concernant ses noms et ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré certaines choses à ce sujet. Et parmi les choses qu'il nous a légiférées, le fait de l'invoquer par ses plus beaux noms. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا » C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. « وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils font. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié quatre choses. La première chose, c'est que l'on doit affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède les plus beaux noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Ces noms sont donc les plus beaux et les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, car en réalité j'ai mentionné directement la première et la deuxième, l'affirmation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation que ces noms sont les plus beaux et les plus parfaits. La troisième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de l'invoquer par ses noms. Et comment on invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms? C'est en utilisant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton invocation qui correspond à ta demande. Par exemple, tu dis « Ya Ghaffar, ighfirli, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni » et ainsi de suite. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux lui demander le pardon? Tu l'invoques par son nom Al-Ghaffar, le grand pardonneur, Al-Ghafour. Tu veux lui demander la miséricorde? Tu l'invoques par son nom Al-Rahman, Al-Rahim et ainsi de suite concernant les demandes que tu souhaites adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième chose qu'il nous a clarifié dans ce verset, c'est qu'il nous a interdit de profaner ses noms. Et comment a lieu la profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Elle a lieu, par exemple, en rejetant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, en rejetant le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font certains égarés parmi les groupes et les sectes qui s'affilient à l'islam. En disant Allah est As-Sami' al-Basir, mais on ne dit pas qu'il a l'ouïe et la vue. Ils disent oui, c'est As-Sami' al-Basir, qui veut dire celui qui entend et celui qui voit. Mais on ne dit pas qu'il a l'ouïe et la vue. Wal'iyadu billah. C'est-à-dire qu'ils ont altéré le sens du nom et ils ont rejeté ce qu'il implique comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une forme de profanation vis-à-vis des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc essentiel pour le musulman qui souhaite s'accrocher à la croyance authentique, la croyance des gens de la sunna et du groupe, de reconnaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également de reconnaître ce qu'ils impliquent comme attributs de perfection. Et ceci fait partie donc de la troisième catégorie de tawhid, qui est l'unicité au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on va voir, incha'Allah ta'ala, ce qu'il reste parmi les piliers de la foi, comme la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, alayhimu salatu wassalam, la foi au jour dernier et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.